Bonjour. Il y en a qui pensent que je suis choqué contre eux autres, que je suis contre eux autres. Ça n'a rien à voir. Je suis pas en colère contre des personnes. Je suis pas en colère contre des personnes. Même, je pense que je suis en colère pour des personnes qui pensent que je suis en colère contre elles. Depuis des années, c'est souvent comme ça. Bon, par rapport à tout ça, par rapport à tout ça, les choses, les dernières vidéos. Moi, je vous donne juste mon opinion. Ça veut pas dire que je vous haïs. Que je vous haïs, l'affaire, le libre arbitre, ben, juste la capacité réflexive de considérer qu'on a pris une mauvaise décision peut influer sur le fait de ne pas la répéter, quand bien même ce serait juste ça. C'est déjà beaucoup. C'est pour ça que j'haïs ce milieu-là. Je me fais écrire par du monde qui pense que je suis un tata, j'ai aucune capacité. Puis là, eux autres, ils m'expliquent comment ils sont merveilleux, ils se décorporent à volonté, puis tout. C'est pas long, je leur réponds, hein. Ouais, faites-moi pas des accras, vous êtes pas aussi capable que vous le dites. Vous avez pas autant de capacité que vous le dites, puis ça, je le sais. Ça, je le sais. C'est pour ça, des fois, je vais avoir un humour bon enfant, je vais dire, t'es même pas capable de me chatouiller un orteil. Puis, c'est un humour bon enfant que j'ai. Il y en a, ils me trouvent méchant. C'est très bon enfant. Toutes mes affaires sur Marie-Paul Giguère, sur Pilon, c'est très bon enfant comme humour. Je suis vraiment pas dur tant que ça. Ça pourrait. Même je m'en sers, je veux dire, juste le fait que c'est de l'humour, que je m'en sers un peu de l'humour, ça atténue un peu. Puis c'est bon enfant, vous pouvez pas dire le contraire, je suis pas si méchant que ça, là. Si je voulais être méchant, ben, je m'empêcherais de faire quoi que ce soit, je ferais rien. C'est comme les gens qui sont allés chez Glenn. Je suis pas en train de vous traiter de tous les noms, là. Je vous dis que vous avez manqué de discernement puis que ça me fait douter du reste. Si vous avez un contact, vous avez passé 20 ans à faire une initiation solaire, vous avez un contact avec les hauts plans de la lumière, puis la première idée que vous avez, c'est de vous traîner chez Glenn. C'est normal que je doute de vous. Même, c'est souhaitable. Il faut, là. Ben, franchement, là. Il y a du monde dans ce milieu-là. Pour stationner leur voiture, ils demandent à leur double. Si votre double n'est pas capable de vous dire que d'y demander ça, c'est idiot puis que vous êtes un idiote, ben c'est pas le double. Ça, c'est mon opinion. Pas juste la mienne. C'est pas nécessairement même une opinion. Donc, l'affaire, moi, c'est pas de bâcher, c'est pas de. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Mais je suis tanné de cette hypocrisie-là. Quand il y en a un dans ce milieu-là qui se suicide, faut pas en parler. C'est tabou. C'est tabou. Toutes les choses qui pourraient ternir l'icône de Bernard de Montréal, c'est tabou, faut pas en parler. Tout. Non, non. Non, non, il était parfait. Faut pas en parler. C'est tabou. Hein? Tel lanceur d'alerte, là, s'il est lié au supramental, c'est tabou, faut pas en parler. Là, il y a quelqu'un qui vient me dire, ah, oh, un tel, c'est l'ex d'un tel, mais parle-en pas, ferme ta gueule. Comme j'ai juste une parole, je ferme ma gueule. Il y a une autre personne qui arrive, un tel, c'est l'ex d'un tel, ferme ta gueule. Fait que j'en parle pas. Là, je prie pour attendre qu'une troisième personne qui va m'amener l'information sans me dire ferme ta gueule arrive pour que je puisse le dire. Mais en attendant, le public est le dindon de la farce, puis ils le savent pas. Puis ils le savent pas. Ça m'énerve. Ça me choque. C'est hypocrite. C'est le milieu le plus flou, le plus hypocrite, le plus camoufleux, le plus. Puis le pire, c'est que quand je vous dis, vous avez pas autant de capacité que vous le dites, je le sais. C'est parce que moi, c'est pas sur ça, là. J'en ai vu d'autres. Il y a d'autres milieux qui sont pas mal plus inquiétants que vous autres. Le milieu du supramental, là, c'est dangereux pour l'individu qui est dedans. Mais à part ça, là. Ben moins dangereux que d'autres. Il y a pire. Il y a bien pire que ça. Moi, je me suis attardé surtout sur ça parce que je le prends personnel. Je le prends personnel. Donc, c'est juste une question de cohérence. De cohérence. Savez-vous ce qui est merveilleux dans mon cas? C'est le fait que c'est parce que je me pensais pas conscient que j'ai été constant. C'est parce que je pensais que j'étais pas intelligent puis que je doutais que j'ai contre-vérifié tout. Puis c'est parce que je doute de ma capacité que je suis porté à tout vérifier, puis à chercher, puis à gratter, puis à douter, puis à m'obstiner. C'est vraiment une question de constance à un moment donné. C'est une question de constance. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que la moyenne des gens qui sont dans ce milieu-là sont moins lucides en moyenne que la population générale. J'ai tout le temps dit la même chose. J'ai jamais dit autre chose. Je me suis jamais contredit là-dessus. Pourquoi? Parce que je l'ai constaté. Je l'ai constaté. Quand je dis ce milieu-là, c'est un panier de crabes, c'est pas par méchanceté. Osez me dire le contraire. Osez me dire le contraire. Moi, je suis chanceux, j'ai pas à socialiser avec ces gens-là. Je vis dans une petite ville, tout le monde me connaît. Quand je marche sur la rue, les gens, ils savent je suis qui, ils savent mon nom, ils savent tout. C'est pas pareil, hein. Je viens pas d'un milieu comme Montréal, moi là, où tout le monde est anonyme, puis tout le monde est habitué de vivre dans les secrets. Non, non. Ici, c'est le vrai Québec, les régions. Les régions. Le vrai Québec, c'est la Beauce, c'est le lac Saint-Jean, c'est l'Abitibi. Puis toute la merde, puis toute la folie, ça vient tout le temps de la même place. Montréal. Montréal. Mais c'est pas Montréal de nous éduquer, que ce soit spirituellement ou philosophiquement ou quoi que ce soit. Moi, l'imbécile de trou de cul, c'est pas important mon statut social. Tout ce qui compte, c'est ce que je dis. Êtes-vous capable de me démontrer que c'est vrai ou pas? Au niveau des faits, ce que je souligne, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que ça cause problème ou pas? Est-ce que ça fait qu'il y a des incohérences de souligner ou pas? C'est tout ce qui compte. Qui je suis, ce que je suis, n'a aucune espèce d'importance. C'est par rapport aux faits, à ce qui est souligné. Donc, ne pas être un maître est nécessaire. Être un trou de cul est nécessaire. Moi, je considère que c'est nécessaire. En plus, ça finit que on n'a rien à perdre. Moi, je m'en fous. Je peux dire tout ce que je veux. Tant que c'est en accord avec moi-même, tant que c'est en accord avec une certaine cohérence, je m'en vais dire tout ce que je veux pareil. Sauf que, comme je vous dis, des fois, si quelqu'un vient me dire ça, parle-en pas, puis que je donne ma parole de ne pas en parler, je vais attendre qu'une autre personne qui vienne me dire exactement la même information ne demande pas ma parole de ne pas en parler, puis là, je vais en parler. C'est sûr et certain. On en fera à demande. Parce que là, c'est pas juste le milieu du supramental, c'est tout le milieu de la résistance. Il y a des liens avec ce milieu-là, entre autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens. Je veux dire, c'est un milieu où il y a un marché. Il y a des services, il y a de l'argent. Donc, c'est un milieu. S'il y a un marché, il y a des marchés connexes. Puis... Mais faites-moi pas des accrocs. Venez pas me faire... Moi, c'est juste ça. Je pense que je canne avec personne. C'est pas moi nécessairement qui coupe les ponts. Rarement. C'est rarement moi qui coupe les ponts. C'est sûr. Des fois, il y en a sont carrément déséquilibrés, c'est mieux comme ça. Mais habituellement, là, non. La chicane, moi, je vous donne mon opinion, elle fait pas votre affaire, vous êtes pas content, c'est tout. C'est pas plus grave que ça. Mais venez pas me faire des accraires, que vous êtes capable de vous décorporer à volonté, que vous êtes capable de m'attaquer psychiquement, que vous êtes... Je vous mets au défi de le faire. Viens m'attaquer psychiquement. Vous valez pas mieux que des petites sorcières à TikTok. C'est ça que vous êtes, dans le fond, avec votre fantasmagorie qui se fait passer pour de l'extra-lucidité. Parce que c'est délirant, souvent. Moi, je trouve ça délirant. Il y a des affaires que c'est réel. Mais avoir le discernement de faire le tri, ça... C'est au niveau de contre-vérification qu'il faut avoir un certain esprit empirique pour ça. Puis c'est avec les années que je procède par élimination. Par élimination. Vous êtes tout le temps en train de parler d'évolution, l'évolution, l'évolution, l'évolution. L'évolution à l'échelle de l'individu, ça n'existe pas. À l'échelle de l'individu, on peut parler d'intégration, de choses comme ça, mais l'évolution, c'est pas à l'échelle de l'individu, c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc, ça marche pas, là. Vous êtes en train d'évoluer, vous autres. Non, je suis en évolution de conscience. Puis c'est le double qui vous dit où parquer votre char. Puis quand il vous vient l'idée d'aller vous exposer chez Glenn, il vous avertit pas que ça n'a pas d'allure. Ah, oh, fallait que je le vive, c'est ma programmation. Ça, c'est des rationalisations, chers amis. Donc, faites ce que vous voulez, mais le fait est que j'existe, pareil, je suis là. Mais la simple existence, le simple fait que j'ai les capacités de souligner certaines choses dérange. Je suis pas censé exister. Je suis pas censé être là. Si on se fie à votre vision du monde, moi je suis un paradoxe. Je suis pas supposé exister. Parce que, ne me considérant pas comme un maître, ne me considérant pas comme fusionné au sens où vous le considérez, ne me considérant pas comme initié au sens solaire comme vous, comment ça se fait? Comment ça se fait que je vous trouve tellement lent? Comment ça se fait que je vous trouve tellement faible au niveau de certaines capacités? Comment ça se fait que je peux même parfois considérer que la moyenne des gens dans ce milieu-là est handicapée par rapport à la généralité, la moyenne de la population générale? Il y a quelque chose qui marche pas. Va falloir prendre ce qu'il y a de bon puis jeter le reste. Puis le reste, ça va être des sectes. C'est ça qui va rester. Donc, jusqu'à un certain point, vous pouvez nier le libre arbitre tant que vous voudrez, mais il va falloir se responsabiliser puis assimiler ce qu'on fait, assumer ce qu'on fait. Parce qu'à quelque part, il va y avoir un choix à faire. On a peur d'être responsable des choix qu'on fait. Est-ce que c'est ça? Si vous vous rendez compte, vous participez à quelque chose qui est une fraude ou qui est une arnaque ou qui est en partie du mensonge, est-ce que vous allez avoir la capacité d'assumer votre décision puis de considérer quelque part au fond de vous-même, vous le saviez dans le fond, puis que quelque part au fond de vous-même, il y avait un consentement. Vous ne voulez pas l'assumer? Va falloir payer pour pareil parce que tout se paye. Ça, c'est mon opinion. C'est juste une opinion, mais peut-être que... Mais comme c'est une opinion sur la réalité, le réel, ben si elle s'avère vraie, vous êtes fait. Ou peut-être pas. Je sais pas. Moi, tout ce que je veux, c'est être cohérent envers moi-même, avoir rien à me reprocher. Quand va venir le temps de sacrer mon camp de site, pour avoir la permission, pour avoir le droit de réellement avoir un réel repos. C'est rare qu'on ait l'ambition d'être un cloporte qui dort en dessous d'une roche. Pourtant, c'est le mien. Pour moi, c'est ça la paix éternelle. Peut-être qu'il faut la gagner. Hein? Peut-être qu'après, je vais avoir le droit d'aller me rendormir en dessous de ma roche sur ma planète.